بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وكما سي إن شاء الله تعالى une nouvelle série de cours tirée d'un écrit de l'imam Ibn Baz rahimahullah تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار. Et donc c'est un épître écrit par l'imam Ibn Baz rahimahullah concernant les invocations et les azkar. Et donc le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Premièrement, avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi avoir choisi ce livre et ce sujet, et donc l'importance d'étudier ce genre de livre, nous apparaît de... On comprend l'importance d'étudier ce genre de livre à travers plusieurs points. Premièrement, le grand nombre de textes du livre et de la sunna nous montrant les mérites des invocations. Et donc il y a un très grand nombre de textes qui nous montrent les mérites des invocations, comme on l'a dit précédemment. Deuxièmement, ce qui pousse à étudier ce sujet, l'ignorance qu'il y a chez beaucoup de personnes concernant les invocations qui sont rapportées dans le livre et la sunna. L'ignorance qu'il y a chez beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes vont ignorer soit les termes des invocations, ils vont ignorer les termes mêmes utilisés pour les invocations, ou ils vont ignorer le sens des invocations. Et donc les gens vont mémoriser des invocations dont ils ne connaissent pas le sens et vont répéter cela matin et soir. Troisièmement, donc il y a le fait que nous devons faire attention à nous baser sur des invocations qui sont authentiques. Car il n'est pas permis d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala sans preuve. Nous ne devons adorer Allah azza wa jal qu'avec des preuves. Et donc les preuves sont tirées des textes authentiques. Allah azza wa jal qui nous dit dans son livre: فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Alors faites le rappel d'Allah comme il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Et donc on ne fait pas le rappel d'Allah comme on veut. Le rappel d'Allah se fait en fonction de ce qui a été révélé dans les textes du Coran et de la Sunna, de manière authentique dans la Sunna. Il y a aussi l'importance qu'il y a dans le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala dans chacune de ses situations, comme l'a cité Aïcha radiallahu anha. Et enfin, il y a aussi dans cela le fait que l'individu préserve sa propre personne lorsqu'il va faire ses invocations. Il va préserver sa propre personne ainsi que sa famille contre Shaitan. N'oublions pas que Shaitan, il est waswasun khannas. Et donc il va venir mettre des insufflations, des waswas à ceux qui ne font pas le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Par contre, ceux qui font le rappel d'Allah azza wa jal, alors là Shaitan, il va être khannas, il va s'éloigner, il va les délaisser. Et donc l'auteur Ibn Baz rahimahullah, il nous dit: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أفضل ما يتخلق به الإنسان وينطق به اللسان الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى Et donc certes, les meilleures mœurs, le meilleur comportement que l'être humain peut avoir, et les meilleures paroles que peuvent prononcer les langues, sont dans le fait de beaucoup faire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. وتسبيحه وتحميده وتلاوة كتابه العظيم. Et aussi donc le fait de prôner sa pureté, de le louer et de lire son livre grandiose. والصلاة والسلام على رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. Et aussi dans le fait donc d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala en demandant donc qu'il accorde le salut et qu'il fasse les éloges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ma'al iksari min du'a illahi subhanahu wa ta'ala wa su'alihi jami'a al-hajat al-diniya wa al-dunyawiyya. Et aussi donc le fait de beaucoup invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de lui demander tout ce dont nous avons besoin dans la religion et dans les affaires mondaines. Wal isti'anati bihi, et le fait d'implorer l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wal iltija'i ilayhi bi imanin sadiqin wa ikhlasin wa khudu'in wa huduri qalbin yastahdiru bihi adh-dhakiru wa adh-da'i 'azamata Allah wa qudratahu ala kulli shay'in wa 'ilmahu bi kulli shay' wa istihqaqahu lil 'ibadah. Et donc il continue le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, et aussi le fait de revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala en ayant foi, en étant sincère et en ayant une intention exclusive, et le fait de se soumettre à lui tabaraka wa ta'ala, et le fait que le cœur, donc que le cœur de l'individu soit présent lors de son invocation, lorsqu'il invoque Allah tabaraka wa ta'ala, que l'individu ne fait pas une invocation, il ne fait pas des adhkar, et il est en train de penser à autre chose. Non, mais il est concentré dans ce qu'il fait. Il se rappelle, celui qui fait le rappel et celui qui invoque Allah, se rappelle de la grandeur d'Allah et de sa puissance, le fait qu'il est capable de faire toutes choses, et le fait que Allah tabaraka wa ta'ala connaît toutes choses et qu'il est le seul à mériter l'adoration. L'individu donc va penser à tout cela lorsqu'il fait ses invocations. Ici le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il nous dit que tout cela est le meilleur comportement, tout cela fait partie du meilleur comportement que l'individu peut avoir et des meilleures paroles que l'individu puisse prononcer. Wa qad warada fi fadli dhikri wad-du'a wal hasi 'alayhima ayatun kathiratun wa ahadithu sahihatun 'an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, il a été rapporté concernant les mérites du rappel, al-zikr, et de l'invocation, et le fait d'inciter à faire ces deux actes d'adoration, il y a eu énormément, beaucoup de versets et de hadiths authentiques qui montrent cela. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nazkuru ma tayassara minha. Et donc nous allons citer donc quelques textes donc que nous pouvons aborder ici. قال الله سبحانه وتعالى. Allah, le Très-Haut, il dit. Et donc l'auteur, il commence, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, il commence, l'auteur, rahimahullah, à nous montrer les mérites et l'importance qu'il y a dans le fait d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala et de faire les invocations. Avant de commencer à nous citer les diverses invocations que l'individu puisse faire, diverses invocations authentiques, l'auteur commence déjà à nous parler des mérites qu'il y a dans cela. Et donc, premièrement, il nous cite la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuha alladhina amanu dhkurullaha zikran kithira wa sabbihuhu bukratan wa asila huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima. Et donc, ô vous qui avez cru, faites beaucoup le rappel d'Allah. Et donc ici, Allah Azza wa Jal, il nous appelle à faire beaucoup son rappel. Et ça, on ne trouve cela que pour le rappel d'Allah. Le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous demande de faire beaucoup quelque chose. Ça, c'est quelque chose que tu trouves pour le rappel d'Allah Azza wa Jal. Oh, vous qui avez cru, faites beaucoup le rappel d'Allah. Et prenez sa pureté, matin et soir, bukratan wa asila. Il est celui yusalli alaykum. Ça veut dire quoi? Il est celui que yusalli alaykum. Ça veut dire il est celui qui prie sur vous. Il est celui qui prie sur vous. En sachant que ici yusalli alaykum wa malaikatu. Ça veut dire que il est celui qui prie sur vous ainsi que ses anges. Non. Il est celui qui fait vos éloges. Salatullahi ala ibadihi. Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala va faire sa salat sur ses serviteurs, la salat sur les serviteurs, c'est qu'il va faire leurs éloges. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui fait vos éloges, ainsi que ses anges qui invoquent pour vous. La salat des anges, c'est le fait qu'ils invoquent en faveur des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, afin de vous sortir de l'obscurité vers la lumière. Et certes, Allah est miséricordieux envers les croyants. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné dans son livre de beaucoup faire son rappel. Et ça nous montre, barakallahu fikoum, les mérites et l'importance de cet acte d'adoration, le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, al-zikr. Et Sa'di, rahimahullah, il dit dans son tafsir, أي من رحمته بالمؤمنين ولطفه بهم أن جعل من صلاته عليهم وثنائه وصلاة ملائكته ودعائهم ما يخرجهم من ظلمات الذنوب والجهل إلى نور الإيمان والتوفيق والعلم والعمل فهذه أعظم نعمة أنعم بها على العباد الطائعين تستدعي منهم شكرها والإكثار من ذكر الله الذي لطف بهم ورحمهم وجعل حملة عرشه أفضل الملائكة ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. الله أكبر. السعدي النودي رحمه الله. Et donc il fait partie de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala envers les croyants. Le fait qu'il ait fait que sa salat sur eux, ses éloges envers eux, ainsi que la salat de ses anges, c'est-à-dire leurs invocations envers eux, les invocations des anges envers donc les croyants, Allah tabaraka wa ta'ala a fait que cela leur fasse sortir de l'obscurité des péchés et de l'ignorance, pour les faire parvenir à la lumière de la foi, de la réussite, de la science et des œuvres. Et donc ceci est le plus grand bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait accordé à ses serviteurs obéissants. Et cela implique que ceux-ci, donc ses serviteurs obéissants, par le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a accordé ce grand bienfait, cela implique que ceux-ci le remercient et fassent beaucoup son rappel tabaraka wa ta'ala. Et donc Allah Azza wa Jal, il nous a guidés vers l'islam. Allah Azza wa Jal, il nous a sortis de l'obscurité de l'ignorance, du shirk, vers la lumière de la connaissance, du savoir, de l'islam, de la sunna et de l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc cela implique qu'on remercie Allah Azza wa Jal. Cela implique qu'on le remercie beaucoup et qu'on l'invoque, qu'on fasse beaucoup son rappel. Celui qui est miséricordieux envers ses serviteurs, et celui qui a fait que ses anges, les anges qui portent son trône, les meilleurs des anges, ainsi que les meilleurs des anges, et ceux qui sont autour de lui, vont prôner sa pureté par sa louange, tabaraka wa ta'ala, et vont implorer le pardon pour ceux qui ont cru. Et donc, ô chers frères, tout cela nous montre que nous n'avons pas à délaisser le rappel d'Allah Azza wa Jal. Ceux qui délaissent le rappel d'Allah Azza wa Jal sont insouciants. Insouciants de tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal, il leur a accordés. Et ça, on le verra, barakallahu fikoum. L'auteur qui nous dit, et Allah le Très-Haut qui dit, « Fazkuruni azkurkum, washkuruli wala takfurun. » Alors, faites mon rappel et je me rappellerai de vous. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats. Et donc ici, faites mon rappel et je ferai le vôtre. Et donc ici, la rétribution est du même genre que l'œuvre. la rétribution, barakallahu fikum, est du même genre que l'œuvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, قال الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. Allah le très haut qui dit, celui qui me cite, celui qui fait mon rappel en lui-même, alors je ferai son rappel en moi-même. Et celui qui fait mon rappel devant une assemblée, alors je ferai son rappel et je le citerai devant une assemblée qui est meilleure que ces premiers qui ont été cités. Et donc, ô chers frères, barakallahu fikum, cela nous montre encore une fois l'importance de faire le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal qui nous dit, après avoir cité le fait de faire son rappel, il nous dit Washkuru li wa la takfurun, et remerciez-moi et ne soyez pas ingrats. Car le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala fait partie du remerciement. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala fait partie du remerciement. C'est pour ça qu'il a cité le remerciement après le rappel d'Allah azza wa jal. Et le fait de ne pas faire le rappel d'Allah, wa alaykoum assalam wa barakatuh, et le fait de ne pas faire le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, et le fait de ne pas le remercier, en réalité, ceci est une ingratitude envers Allah tabaraka wa ta'ala. L'auteur qui continue à nous citer des preuves, il nous cite la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, inna al-muslimina wal-muslimat, wal-mu'minina wal-mu'minat, wal-qanitina wal-qanitat, jusqu'à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Et donc il cite ici un verset donc dans sourate Al-Ahzab où Allah tabaraka wa ta'ala il fait l'éloge des musulmans, des musulmanes, des croyants, des croyantes, de ceux qui sont obéissants et celles qui sont obéissantes dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, jusqu'à ce qu'il arrive à la parole d'Allah azza wa jalla où il cite وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا, et ceux qui font beaucoup le rappel d'Allah. Encore une fois, il n'a pas dit et ceux qui font le rappel d'Allah, il a dit ceux qui font beaucoup le rappel d'Allah, ainsi que celles qui font beaucoup le rappel d'Allah, أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Alors là, Allah a préparé pour eux un pardon ainsi qu'une énorme récompense. Et donc il y a dans ce verset encore barakallahu fikum l'importance du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, et que le fait de beaucoup faire le rappel d'Allah fait partie des caractéristiques des pieux et fait partie des causes de pardon des péchés et de rentrer au paradis. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Certes, il y a dans la création des cieux et de la terre les changements qu'il y a dans la nuit et les changements de la nuit et du jour. Il y a dans tout cela des signes pour tous ceux qui sont doués de raison. Ceux qui font le rappel d'Allah, debout, assis ou sur le côté. Barakallahu fikoum. Et donc il y a dans cette situation les mérites. Il y a dans ce verset, excusez-moi, les mérites de ceux qui vont faire le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans toute situation. Qu'ils soient debout, assis, couchés sur le côté, ils vont faire le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils vont méditer sur la création d'Allah azza wa jal et vont beaucoup faire son rappel. Tayyib, j'attire votre attention, barakallahu fikum, sur le fait que les roulettes, les exagérateurs parmi As-Soufiya, ils se sont appuyés sur ce hadith, sur ce verset du moins, ils se sont appuyés sur ce verset pour dire qu'il est permis de danser lorsqu'on fait le rappel d'Allah. Parfois, peut-être certains d'entre vous ont déjà vu des vidéos qui tournent où on voit les soufis en train de faire des azkar, en train de danser, de bouger à droite à gauche, etc., ou de courir en faisant des cercles, etc. Et donc, lorsqu'on leur demande, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Quelles sont vos preuves? Ils vont citer ce verset. Ils vont dire, donc, Allah Azza wa Jal a cité qu'on peut faire le rappel debout, assis ou couché sur le côté. Ça montre qu'en fait que il est recommandé de faire son rappel en se penchant, en bougeant, en dansant, etc., etc. Et bien entendu, il n'y a cela dans aucun des exégèses, qui sont fiables. On ne trouve pas cet avis et on ne trouve pas cette explication de ce verset ainsi faite, d'où l'importance de revenir vers les gens de science pour comprendre les textes du Coran et de la Sunna. Car vous pouvez aller voir n'importe quel innovateur, il va essayer de donner des arguments à son innovation. Il va venir parfois avec des textes qui sont authentiques, mais avec sa compréhension à lui, d'où l'importance de revenir vers les gens de science pour ne pas avoir une compréhension erronée. L'auteur qui dit, rahimahullah, فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Lorsque vous avez fini vos rites, alors faites le rappel d'Allah, comme vous faites le rappel de vos parents, ou plus encore. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Oh vous qui avez cru, oh vous qui avez la foi, ne laissez pas donc vos biens ainsi que vos enfants vous distraire du rappel d'Allah. Certes, celui qui fait cela, ou ceux qui font cela, ce sont eux les perdants. Et donc ces versets nous montrent encore une fois, barakallahu fikoum, l'importance de beaucoup faire le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et que celui qui va délaisser le rappel d'Allah, alors il fait partie des perdants, même si la cause pour laquelle il a délaissé le rappel d'Allah, c'est le fait qu'il était occupé par ses biens, par son argent, par sa famille, par ses enfants, alors il sera toujours perdant. Car le fait que tu aies des enfants, une famille, des biens, tout cela ne doit pas faire que tu délaisses le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal qui dit dans son livre, Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bi'un an zikrillah wa iqami salati wa ita'i zakat wa yakhafuna yawman tatakallabu fihi l'kulubu wal absar. Des hommes qui ne se laissent pas distraire par le commerce et la vente, et donc ne se laissent pas distraire par le commerce et la vente en délaissant le rappel d'Allah, ainsi que l'accomplissement de la prière et le fait de s'acquitter de l'aumône. Ces gens-là ont peur d'un jour durant lequel les regards et les cœurs se retourneront. Les gens auront peur, les gens seront effrayés durant ce jour-là. Et donc ces gens-là, ils ont peur de cela. Voilà pourquoi leur propre famille, leurs biens, le commerce, tout ce qu'il y a ici-bas, ne les détourne pas du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils vont rester avec leur famille. On ne dit pas ici qu'ils ont des manquements envers leur famille. Non, ils vont donner à chacun leurs droits, mais ils ne vont pas délaisser leur rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, les derniers versets qu'il cite, l'auteur rahimahullah, la parole d'Allah azza wa jal, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa dun al-jahr min al-qawl بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الله أكبر. Fais le rappel de ton Seigneur en toi-même, en te soumettant à ton Seigneur, en ayant crainte de lui, tabaraka wa ta'ala. Et donc tu fais le rappel d'Allah Azza wa Jal, et tu te rappelles des sens, tu médites sur la grandeur et la puissance d'Allah Azza wa Jal, ودون الجهر من القول, et sans pour autant donc faire cela à haute voix, matin et soir, et ne fais pas partie des insouciants. Ne fais pas partie des insouciants, ceux qui ne se soucient pas des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal leur a accordés, et qui ne vont donc pas faire leur appel d'Allah Azza wa Jal. Ils ne vont pas faire des askars. Ils se réveillent, il n'y a pas d'askars. Ils sortent de chez lui, il n'y a pas d'askars. Il est en bonne santé, il n'y a pas d'azkar. Il mange, il remplit son ventre, il n'y a pas d'azkar. Il va dormir, il est bien, il n'y a pas d'azkar. Dounia. C'est occupé par ce bas monde et on ne se rappelle pas les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur ses serviteurs. Et enfin, le dernier verset que nous cite l'auteur, rahimahullah, un verset dans sourate Al-Jumu'ah. فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةِ فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et donc lorsque la prière est finie, donc la prière du vendredi, alors répartissez, alors dispersez-vous sur terre. Lorsque la prière est finie, dispersez-vous. En recherchant de la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire, la prière elle est finie, les gens ils vont vaquer à leurs occupations. Commerce, études, travail, etc. La prière est finie, les gens vont vaquer à leurs occupations. Mais dans cette situation dans laquelle vous êtes, vous allez vaquer à vos occupations, vous allez faire du commerce, vous allez travailler ou autre, ne délaissez pas le rappel d'Allah. C'est pour ça qu'il dit tout de suite après, « Wazkurullaha kefiran » et faites beaucoup le rappel d'Allah. Même quand tu vas faire ton commerce, même quand tu vas travailler, même quand tu vas étudier, même quand tu vas faire tes affaires mondaines, faites beaucoup le rappel d'Allah afin que vous puissiez réussir. Et donc, barakallahu fikoum, les textes sont nombreux, les textes, il y a beaucoup, beaucoup de textes qui nous montrent l'importance du sujet de ce livre qu'on commence à étudier et on va continuer la lecture la semaine prochaine, dimanche prochain, inshallah ta'ala. Waffaq Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayran.